Ceci est un panneau de position. Il est placé juste après le carrefour. En l'occurrence, il indique une direction vers l'autoroute.